regarder dans l'avenir. Si je voyais l'amour présent, me rappeler de ton sourire que tu faisais tout en dansant, couvert par l'ombre du délire. Je ne vis plus qu'en t'imitant, et c'est le manque de tes soupirs qui font de moi un homme violent, un homme violent. La nuit, les étoiles dans le ciel, de la lumière de tes yeux. Sur ces images, tu es si belle, et tu dois faire mourir les dieux. Je garde toi cette étincelle, tout cet amour que j'ai pour deux, et tes baisers au goût de miel faisaient de moi un homme heureux, un homme heureux. Depuis le jour où le destin a décidé de te punir, l'amour se mêle à mon chagrin. Je vais finir par me détruire. La nuit, les diables me dérangent, et c'est sur Dieu que je me venge. Mais dans la nuit, à l'encre blanche, toi tu me dessines les ailes d'un ange. Dans le jardin, la balancelle, où je te vois, cheveux au vent, me fait penser aux hirondelles que tu aimais passionnément. Te regarde sous ton ombrelle que tu tenais à cause du vent, en dessinant ces demoiselles assises dans l'herbe en sifflotant, en sifflotant. Depuis le jour où le destin a décidé de te punir, l'amour se mêle à mon chagrin. Moi je vais finir et par me détruire. La nuit les diables me dérangent, et c'est sur Dieu que je me venge. Mais dans la nuit, à l'encre blanche, toi tu me dessines les ailes d'un ange. Tous les tableaux que tu as peints sur tous les murs sont accrochés. J'en contemple un tous les matins en descendant les escaliers. Dans notre chambre, sur un écrin, juste à côté du chevalet, ton doux visage aux traits si fins, qui à jamais s'en est allé, s'en est allé.